بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc inshallah on poursuit avec la lecture de Kitab al-Tawhid de Sheikh Mohammed rahimahullah ta'ala et accompagné donc de la hashia de Abdurrahman ibn Qasim. On était arrivé donc au troisième chapitre du livre qui s'intitule Babun man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab wa la adhab. Donc le chapitre de l'accomplissement du tawhid. On verra que ce qui est visé ici c'est le tawhid complet par la base. Donc celui qui accomplit parfaitement ou complètement le tawhid rentre au paradis sans jugement. Et on peut rajouter, comme il va le souligner le Muhashi, Cheikh Abdurrahman, comme ça vient dans le hadith qu'on va lire plus tard, inshallah, le hadith d'Ibn Abbas, yadkhulu al-jannata bighayri hisab wa la adhab. Il rentre au paradis sans jugement et donc forcément sans, ça implique qu'il rentre au paradis sans châtiment. Al-Muhashi rahimahullah, il dit, donc concernant ce chapitre-là, il dit Ay, hadha babun fihi adillatun min al-kitabi wa sunnati tadullu ala anna man haqqaqa at-tawhida dakhala al-jannata bighayri hisab wa la adhab. Donc ceci est le chapitre, ou dans ce chapitre-là, on a des preuves du Coran et de la Sunna qui nous indiquent que celui qui accomplit parfaitement le tawhid rentre au paradis sans jugement, et ici il rajoute et sans châtiment, conformément au hadith qu'il y a dans le chapitre. Et aussi on peut dire que c'est une implication dans la mesure où celui qui n'est pas du tout jugé, il ne sera pas, le musulman qui n'est pas jugé ne sera pas châtié. Lima ulamma dhakara at-tawhid wa fadlahu nasaba an yadhkura tahqiqahu fa innahu la yahsulu kamal fadlihi illa bi kamal tahqiqihi. Et si on reprend l'ordre des chapitres que le cheikh il a mis dans son livre, on se rappelle que le premier chapitre, même s'il y a un khilaf entre ceux qui ont expliqué, la ulama qui ont expliqué son livre, donc concernant le premier chapitre, qu'est-ce que le shir il a voulu montrer dans le premier chapitre, pourquoi il a fait ce premier chapitre. Donc on avait dit à certains ulama, comme son petit-fils Shir Suleiman, le premier qui a expliqué Kitab Tawhid dans Taïsir al-Aziz al-Hamid, qui voit que ce que le Shir il a voulu dans le premier chapitre, c'est expliquer le sens du Tawhid. Donc il y en a d'autres qui ont répondu en disant fi nazar, c'est-à-dire c'est discutable dans la mesure où le Shir il a réservé un chapitre complet à l'explication du Tawhid et de la Shahada de la ilaha illallah dans le sixième chapitre. D'autres disent que c'est plutôt ce qu'il a voulu montrer, c'est le statut du tawhid dans la religion de l'islam. Montrer que c'est, qu'il est wajib, qu'il est obligatoire et c'est la chose la plus importante et que toute la religion repose sur le tawhid. Ensuite, dans le deuxième chapitre, le shir, il a voulu nous montrer le mérite du tawhid. En nous rappelant que le tawhid, ses mérites principaux, c'est quoi? C'est que celui qui meurt muwahhid, il rentre ou sa fin, sa destination finale est l'éternité au paradis. Ça, c'est un des mérites. Et l'autre mérite qu'il avait cité, un des mérites principaux, même s'il y en a plein, c'est que le tawhid, lorsqu'il est réalisé avec ses conditions, il expie les péchés qui ont été commis, qui ne sont pas évidemment du shirk akbar. Le shirk akbar et le tawhid ne peuvent pas se rassembler comme il va le rappeler ici. Et après avoir rappelé ça, donc le hukm du tawhid ou le sens du tawhid, le mérite du tawhid, maintenant, dans le troisième chapitre, il veut Compléter le deuxième chapitre en nous disant que celui qui accomplit de manière parfaite, complète le tawhid, il rentre au paradis sans même être jugé, et évidemment ni châtié. Donc ça, c'est un mérite supplémentaire du tawhid. Donc on peut dire que ce chapitre-là, c'est un peu comme s'il complète le deuxième chapitre, mais c'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de réaliser pour jouir de ce mérite-là, donc le fait de rentrer au paradis directement, ça ne suffit pas d'accomplir la base du tawhid, mais il faut réaliser le kamal, le tawhid complet. اللي هو تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. Donc l'accomplissement du tawhid, ce qui est visé ici dans ce chapitre-là, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est supérieur à la base du tawhid. C'est ce qui veut dire ici par le mahiya, à la base du tawhid. On a la base du tawhid, donc l'adoration d'Allah Jalla wa Ala seul, et le désaveu du shirk, l'akbar, ça c'est la base du tawhid. Mais pour jouir de ou pour accomplir parfaitement le tawhid, ça demande de faire des choses et de faire des choses surtout supplémentaires. Et ceci, c'est ça se divise en deux choses. C'est pour ça qu'il dit wa tahqiquhu min wajhayn, wajibun wa mandub. Donc le tawhid complet, il est de deux sortes. Le tawhid complet obligatoire et le tawhid complet surérogatoire, qui est encore un niveau au-dessus. Ici, on peut tout de suite dire que lorsqu'on dit tawhid, asl tawhid, ou kamal tawhid al-wajib, ou kamal tawhid al-mustahab, c'est exactement la même chose que, ou on peut dire que ici, tawhid, il est muradifun lil-iman. Il a le sens de l'iman ou de l'islam ou de din lorsqu'ils sont cités de manière isolée dans un texte, comme on l'avait déjà vu. Ce qu'ils appellent la qa'idat l'iqtiran ou l'iftiraq ou l'iqtiran. Lorsque l'iman est cité seul, il englobe toute la religion. De la même manière ici, al-tawhid. Quand on dit al-tawhid, asl al-tawhid, kamal al-tawhid, ilakhiri, ce qui est voulu, c'est ça a le même sens que l'iman ou que l'islam ou que al-din. Donc on a la base de la foi, on a la foi complète. Et la foi complète, elle se divise en deux sortes. Elle se divise en la foi complète obligatoire. Donc là, c'est le fait de pratiquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Et le tawhid complet surérogatoire, c'est le fait d'ajouter là-dessus le fait de pratiquer les mandoubat et les mustahabbat, les choses qui sont recommandées, et de délaisser les makruhat, les choses qui sont blâmables. C'est encore le niveau au-dessus. Et nous, ce qui nous intéresse ici, comme Wallahu alam, c'est le cas, comme on le verra dans le hadith du chapitre, c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. C'est-à-dire, c'est le fait de réaliser un tawhid vraiment parfait, complet, on va dire plutôt complet, jamais être complètement parfait, mais complet, en évidemment s'écartant du shirk Akbar, puisque là on n'est pas en train de parler de ça, ça c'est une des conditions pour réaliser la base du tawhid, mais c'est délaisser aussi le shirk asghar, délaisser le bid'a, comme il va le citer, et délaisser même les péchés. Ou plutôt, comme il va l'expliquer, de délaisser le fait de persévérer dans le péché et de ne pas se repentir. Donc ici, on a en souvenir le verset qu'on avait déjà cité dans le deuxième chapitre, le sourate Ghafir, si mes souvenirs sont bons. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait hériter notre livre à qui? Ou nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a élu ses serviteurs. Certains parmi les gens du tafsir, ils disent pourquoi? Pour être ses voisins au paradis, pour les mettre au paradis. Donc il s'agit, les gens qu'il va citer, il s'agit que de musulmans. Il s'agit que de musulmans. Ensuite, ici, trois sortes. Zalim li nafsi, donc celui qui a commis une iniquité envers lui-même, c'est-à-dire qui a été injuste envers lui-même en commettant des péchés, et des péchés qui n'atteignent pas évidemment le shirk akbar, puisqu'on parle de musulmans. Ensuite, el-muqtasid, c'est celui qui réalise le tawhid complet obligatoire. El-iman, kamal el-iman, el-wajib. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire et qui s'est écarté des interdits. Ou du moins, même s'il a commis des interdits, c'est quelqu'un qui s'est repenti de ce qui est mort, qui n'est pas mort en étant moussir, persévérant dans son péché. Mais il s'est repenti. Et on a enfin Sabiq bil Khayrat, lui c'est lui, et c'est ce qui est visé dans ce chapitre-là du livre, c'est celui qui accomplit le tawhid complet, qui rajoute donc avec le wajibat et tarak, le manahiyat, donc le fait de faire les obligations, de délaisser les interdits, rajoute le mustahabbat, ce qui est recommandé, et il délaisse le makruhat. Donc ça, ces trois catégories-là, on les retrouve clairement dans le Coran. Il dit, wal wajib, yani ici il explique, kamal al-tawhid al-wajib, le tawhid complet obligatoire. Takhlisuhu wa tasfiyatuhu an shawa'ibi shirki wal bid'i wal ma'asi. Donc le tawhid obligatoire, complet obligatoire, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un tawhid pur. Ici, ce qui vise quand il dit an shawa'ibi shirki wallahu alam, c'est que le tawhid soit pur du petit shirk. On ne parle pas du grand shirk à la base. Pourquoi? Parce qu'à la base, on est en train de parler de tahqiq et tawhid, le tawhid complet. On n'est pas en train de parler de la base de tawhid. À la base, on ne parle pas du shirk akbar. Shirk akbar, il est là, il n'y a plus d'islam. Khlas. Là, on est en train de parler donc du tawhid complet. Donc, shawa'ibi shirk, c'est des choses qui vont se mélanger à la fois à l'islam sans l'annuler. Et donc, le tawhid complet, c'est le fait de s'écarter et de purifier son tawhid de ce genre de shirk. Le shirk, ce qu'on appelle shirk asrar. Le shirk dans les intentions, shirk dans les mots, shirk al-alfaz. Ou aussi tout ce qui est lié, comme on le verra Inch'Allah Ta'ala, dans les chapitres suivants, tout ce qui est lié au tamaim, les talismans, etc. Ouais, al-bida'i, la bida'a. La bida'a, ici, on rajoute la bida'a qui n'est pas mukaffira. Donc la bida'a qui est mukaffira, c'est-à-dire la bida'a qui fait sortir de l'islam parce qu'elle contient du shirk akbar, ou elle contient le fait de rendre halal ce qui est haram ou inversement, ça, c'est on ne parle pas de ça ici. On parle de la bid'a qui ne fait pas sortir de l'islam. Et ici, il rajoute Edel Ma'asi. Et ici, il convient de rajouter que, comme d'ailleurs Abdelrahman ibn Hassan, rahimahullah ta'ala, si on regarde dans son charh, Qurratu Uyun al-Muwahidin, il ne dit pas Wal Ma'asi, il dit Wal Israr al Ma'asi. C'est-à-dire le fait de persévérer dans le péché, le fait de ne pas délaisser le péché et de ne pas s'en repentir et de mourir dans cet état-là, c'est ça qui va avoir un effet sur le tawhid et le diminuer et en faire que le tawhid il n'est pas complet. Ce n'est pas le fait de commettre des péchés, comme on l'a vu dans le Wasitiya, où il y a des grands compagnons qui ont commis des péchés. Et l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a, ou de Mistah ibn Uthatha, ou d'autres où il y a des compagnons, ils ont commis des péchés, même des grands péchés. Mais c'est des gens qui se repentissaient. Ou soit, comme on l'avait vu dans le Wasitiya, qui avaient des bonnes actions plus lourdes que ces grands péchés-là, et donc qui contrepesaient, si on peut dire de cette manière-là, dans la balance. Mais ici, ce qu'on veut, c'est ce qui est visé, c'est l'israr fil ma'asi. Si quelqu'un, tout le monde commet des péchés. Il n'y a que les messagers ou les ulémas sont unanimes sur le fait qu'ils ne commettaient pas de grands péchés. En dehors d'eux, même les compagnons en ont commis. Donc ce n'est pas le fait de tomber dans le péché, c'est le fait de ne pas persévérer, d'y rester et de mourir moussir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne délaisse pas le péché. Il y a une grande différence entre les deux choses, comme il va le dire après. Donc ici, ce qui veut dire, c'est que le shirk, ici, le shirk est l'akbar. Le shirk akbar, donc la grande association, contredit le tawhid ou contredit de manière totale le tawhid. Ça, c'est la croyance des musulmans, c'est qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui est musulman et qui est mushrik, shirk al-akbar en même temps. Ça n'existe pas, c'est l'un ou l'autre. On est soit muwahhid, soit mushrik. C'est pour ça que les gens qui excusent dans l'ignorance en disant que quelqu'un peut être musulman, muwahhid, commettre du shirk akbar, mais être excusé, dans le sens de l'excuse ici, ce qu'ils veulent, c'est de dire qu'il reste musulman. Parce qu'il est ignorant, ou parce que ceci, parce que cela, ils vont évoquer des raisons, ça c'est quelqu'un, il ne sait pas ce que c'est l'islam à la base. Et ce qui va annuler son islam, c'est son ignorance de ce que c'est le tawhid, et de ce que c'est le shirk, et de savoir que les deux ne peuvent pas se réunir. La bid'a, ça va contredire et ça va empêcher de réaliser le tawhid complet. Wal ma'asi taqdahu fihi wa tunqisu thawabahu. Et les péchés, ça va avoir un effet néfaste sur l'accomplissement du tawhid et ça va en diminuer sa récompense, comme on l'avait vu. À chaque fois qu'une personne elle commet des péchés, ça va faire quoi? Ça va avoir une incidence sur son ikhlas, sur donc sa pureté, la pureté qu'il est dans le dogme, dans la religion, sa sincérité, sidq, son yaqin, sa certitude. À chaque fois que la personne elle commet des péchés et ne s'en repent pas, ça va avoir un impact sur ces choses-là, sur les actes du cœur. Et ça va tronquer, diminuer son tawhid. Jusqu'à l'amener même au coffre. Jusqu'à l'amener au coffre. Difaliya kunun abdu muhaqqiqan lit-tawhid hatta yaslama min ash-shirki bin-naw'ayhi wa yaslama min al-bid'i wal-ma'asi. Donc le serviteur ne réalise pas le tawhid complet jusqu'à ce qu'il délaisse les deux sortes de shirk, l'akbar et l'asghar, et qu'il soit saint et exempt d'innovation, qui ne sont pas, comme on a dit, mukafira, et de péché. Ici, le sens, comme on l'a dit, c'est le fait de ne pas persévérer dans le péché. L'israr ala al-ma'asi. Ensuite, il cite la deuxième sorte de tawhid complet qui est donc kamal al-tawhid al-mustahab ou kamal al-iman al-mustahab ou al-mandoub. Dit wal-mandoub tahqiq al-muqarrabin taraku ma la ba's bihi hadran mimma bihi ba's wa haqiqatuhu huwa injidhab ar-ruh ila Allah. فليكن في قلبه شيء لغيره فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن تم والاهتداء تم. Donc la deuxième sorte, le tawhid complet. Le tawhid complet qui est mustahab, donc le niveau au-dessus, le niveau de sabiq bil khayrat, ceux qui font, comme on l'a dit, des bonnes actions au-dessus des actions obligatoires, c'est ceux qui délaissent, même là, ils rajoutent quelque chose de supplémentaire encore. C'est ceux qui vont laisser des choses qui, à la base, sont mubah, qui sont permises, de peur à commettre ou à rentrer dans des choses qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas permis. C'est ce que les ulama ils appellent ikthar ou takthir ou ikthar al-mubahat, c'est-à-dire exagérer dans les choses qui sont mubah. À la base, c'est permis. Mais à force de prendre des choses qui sont permises et de rentrer dans les choses qui sont permises, on termine par tomber dans des choses qui ne le sont pas, même si elles ne sont pas haram, ou alors dans le shubuhat, dans les choses qui sont floues, dont on ne connaît pas le hukm. Donc ça, c'est encore quelque chose au-dessus de délaisser le makruh ou de faire ce qui est mustahab. Il dit, et la réalité de ça, c'est le fait d'avoir le cœur rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le cœur ne soit occupé que par le visage d'Allah, que par la volonté d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le cœur il soit habité complètement par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ici qu'il y a une différence entre celui qui commet un péché et qui s'en repent, et celui qui commet un péché et qui persévère dans le péché. Quelqu'un qui commet un péché et qui s'en repent, c'est quelqu'un, son cœur, il n'est pas attaché à ce péché-là. Il le commet par insouciance, il va le commettre par oubli, il va le commettre par... Il y a des choses qui vont faire qu'il va commettre ce péché-là, mais étant donné que son cœur, il est rempli de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va tout de suite revenir vers son Seigneur. Contrairement à celui qui, ce péché-là, il est dans son cœur. Son cœur, son nafs, il aime cette chose-là. Il est accroché à ce péché-là. Si bien qu'il n'arrive pas à s'en défaire et qu'il va persévérer sur ce péché-là. Ça, c'est ce genre de péché qui vont empêcher, ou c'est ce genre de ta'alluq, d'accrochement du cœur au péché qui vont faire que la personne ne peut pas accomplir ce tawhid-là complet. C'est la différence entre les deux choses. C'est pour ça qu'ici, il dit فَلَيَكُونُ فِي قَلْبِهِ شَيْءٍ لِغَيْرِهِ. C'est-à-dire, cette personne-là, son cœur est rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il a cité une parole d'Ibn Taymiyyah, mais il l'a résumée. Je vais la lire, la phrase complète, c'est important. Il dit, فَإِذَا حَصَلَ تَحْقِيقُهُ بِمَا ou بِأَن. La parole d'Ibn Taymiyyah, c'est ça. فَإِذَا حَصَلَ تَحْقِيقُهُ بأن امتلأ القلب من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله تعالى ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي هو الذي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc la parole d'Ibn Taymiyyah à la base, c'est celui donc qui réalise le tawhid de manière à ce que son cœur soit empli de foi, de tawhid, d'ikhlas, et que ses membres, ses actes rendent véridique cette croyance-là. Là, très important, c'est réponse au murji'a, aux gens qui font sortir les actes des membres de la foi. Ça, c'est une condition de l'iman. Il faut que les actes suivent les actes du cœur, que les actes des membres suivent les actes du cœur et la parole de la langue. De manière à ce que ces membres se soumettent complètement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. En revenant vers Allah, en étant obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il dit quelque chose d'important. Deuxième chose importante, après qu'il l'ait dit, qu'il faut que les actes rendent véridiques ces actes du cœur. Il dit, وَلَمْ يَجْرَحْ ذَلِكَ بِالْإِصْرَارِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَعَاصِي. Et que rien ne vienne, empêcher ou diminuer ce tawhid-là. Par quoi? Par la persévérance dans le péché. Donc là, il dit bien El Israr ala shay min al ma'asi. Encore une fois, il y a une différence, une grande différence entre les deux choses. Entre le fait que un serviteur commette une faute, mais que son cœur soit rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que par ce fait-là, il va pas persévérer dans ce péché-là. Il va s'en débarrasser. Il va s'en repentir. Et entre celui qui a ce péché attaché au cœur, c'est son nefs, il aime ce péché-là. Et il n'arrive pas à s'en défaire. Et il va faire devancer. Il va faire devancer le fait de faire ce péché-là sur l'adoration, sur l'obéissance à Allah. Il va faire devancer le péché, ce péché-là, le fait de faire ce péché-là sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a des ulémas qui rentrent les péchés dans ce qu'ils appellent djins shirk. Djins shirk. Donc, ils appellent ça djinn shirk, c'est-à-dire ils rentrent là-dedans les péchés, c'est-à-dire pas les péchés, ils rentrent là-dedans le fait de persévérer sur un péché. Que la personne, son cœur, il préfère commettre le péché et il fait devancer le fait de commettre le péché sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne des exemples comme par exemple celui qui, par avarice, il paye pas la zakat. Bon, on va sortir en prenant l'avis de ceux qui voient que le fait de ne pas payer la zakat, ça rentre dans le coffre. Il y a des ulama parmi les salafs qui kafar celui qui ne paye pas la zakat de la même manière qu'il kafar celui qui abandonne la salat, celui qui ne fait pas la salat. Sur l'avis où c'est pas du coffre. Ils rentrent ça dans djins et shirk parce qu'ils disent que celui qui ne veut pas payer la zakat, il a fait devancer son amour pour l'argent. Donc, c'est ce qui va le pousser à être avare et à pas penser son amour pour l'argent sur l'amour pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il rentre ça dans djins et shirk. Pas dans le shirk, ni dans le shirk asghar, ce qu'ils appellent djins et shirk. Même si à la base, le shirk, comme on l'a déjà dit, le shirk c'est quelque chose qui a une réalité, ce qu'ils appellent haqiqatun shar'iyya, les gens du usul, haqiqatun shar'iyya, c'est-à-dire que le shirk, c'est un mot qui a une définition dans la charia qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a montré dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Donc on ne peut pas expliquer le shirk par autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit quand on lui a demandé quel était le plus grave des péchés, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala un égal. Alors que c'est lui qui t'a créé. Ça, c'est le sens du shirk. Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan, wa antum ta'alamu. Hada huwa shirk. Allah Akbar. Wallahu alam. Et donc, il dit, fa'idha hasala tahqiquhu bima dhukir, faqad hasala al-amnu tammu, Là, il fait référence au verset de Sourate Al-An'am qu'on avait lu dans le deuxième chapitre. Donc ceux qui ont cru, c'est-à-dire qui ont pratiqué l'ikhlas, comme on avait vu dans la parole des salafs, et qui n'ont pas entaché leur foi de shirk, alors à eux, elle aime nous la sécurité et la guidée. Et on avait vu que cette sécurité-là et cette guidée-là, selon le tawhid de la personne, qu'il soit tronqué, que ce soit juste la base du tawhid ou que ce soit un tawhid complet, la sécurité et la guidée sont équivalents ou sont au niveau de ce que la personne a réalisé de tawhid. Si c'est la base du tawhid, il aura la base de la sécurité et la base de la guider, ce qui l'empêchera de s'éterniser en enfer. Ça l'empêchera pas d'aller au feu. Par contre, celui qui a réalisé un tawhid complet, ça va lui permettre d'avoir une guidée et une sécurité et une guidée complète. C'est-à-dire d'échapper soit d'échapper au feu complètement, comme c'est le cas pour le muqtasid et pour le sabiq bil khayrat, ou carrément d'échapper au jugement. Comme c'est le cas ici dans ce chapitre-là pour Sabiq bil Khairat, celui qui a fait donc les recommandations, qui a délaissé les actes blâmables. C'est la différence hein, entre Al-Muqtasid et Sabiq bil Khairat. Quelle différence on peut dire? Les deux, ils ont accompli un tawhid complet. Sauf que celui qui a réalisé un tawhid complet obligatoire, ça lui permet, ou comment dire, le mérite de son tawhid, c'est le fait de ne pas être touché par le feu. Il sera jugé, mais il ne passera pas par le feu. Alors que celui qui, en plus de ça, rajoute les mustahabbat qui délaissent les makruhat, lui, non seulement, il ne sera pas touché par le feu, mais il ne sera même pas jugé à la base. Il sera même pas jugé. Ça dit, bighayri hisab wala adab. Mais on verra dans le hadith d'Ibn Abbas, on va voir que pour cela, il faut délaisser, comme on l'a dit, même des choses qui sont makruh à la base, qui ne sont pas interdites, mais certains sabab qui sont makruh. Le fait de les délaisser alors qu'on en a besoin, comme on le verra dans le hadith, inshallah. Ensuite, le shir Muhammad, rahimahullah, il cite donc un premier verset. Il dit, wa qawlullahi ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين. قال المحشي الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وأثنى عليه بها فقال: كان أمة، أي إماما على الحنيفية، قدوة يقتدى به، معلما للخير، أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق اسمها، والقولان متلازمان، فإنه أمة على الحق وحده، وإمام للجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit son ami intime, Al-Khalil Ibrahim, alayhi salam, Imam al-Hunafa, par quatre sifat, quatre caractéristiques qui représentent vraiment la réalisation du tawhid complet. Donc celui qui est décrit par ces sifat-là, il a accompli le tawhid complet, comme c'est le cas d'Ibrahim alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a loué. Et il a cité donc quatre sifat. La première, Allah subhanahu wa ta'ala dit kana ummatan. Ummatan, ça veut dire quoi? Ici, il cite deux choses et il dit que ces deux choses-là, ou que l'une implique l'autre. Ici, il cite deux sens et que l'un implique l'autre. Donc, les deux sens, ils sont justes. On les retrouve dans Ibrahim alayhi salam. Le premier, c'est de dire qu'il était un imam. Al-Hanifiyya. C'est-à-dire qu'il était imam, qu'il était un guide pour les autres sur le tawhid pur, le khalis. Et qu'il était enseignant du khayr. Le premier khayr, c'est quoi? Le tawhid. Ça, c'est la première parole. Imam, c'est un guide. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset de Surat al-Mumtahana qu'on va voir après, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمُ. Uswa. Uswa, c'est un guide. Uswa hasana. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en l'envoyé d'Allah un bon guide, ou soit, il y a un imam, un guide, qui est suivi. La deuxième parole, il dit, c'est ou alors, on l'a appelé umma, dans le sens où lui, à lui seul, il représente toute une umma, toute une communauté, ici dans le sens de la communauté. Il représente toute communauté parce qu'en fait, il réunit tous les caractères qu'on peut retrouver dans tous les individus d'une communauté. En un seul homme, on va retrouver tous les bons caractères, tous les bons akhlaq qu'on va retrouver dans une communauté entière. Et c'est pour ça qu'on l'aurait appelé Ummah, ou ce serait le sens ici de Ummah. Et en fait, l'une implique l'autre. C'est parce que Ibrahim alayhi salam est décrit par toutes ces sifat-là, tous ces akhlaq de khayr, qu'il est un imam. Ou l'inverse. C'est le sens de Ummah. C'est Kana Ummatan. Kana Ummatan. Ensuite, la deuxième sifat qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite, qanitan, qanitan. Il dit ay khashi'an muti'an wal qunut dawam at-ta'a wal musalli idha tala qiyamahu wa tala qiyamuhu pardon idha tala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu fa huwa qanit. Kama qala ta'ala أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قانتا c'est-à-dire obéissant. Obéissant et craintif pour son Seigneur. Mais ici, il rajoute quelque chose d'important, c'est que والقنوت, ça c'est une parole d'Ibn Taymiyyah, والقنوت دوام الطاعة. C'est-à-dire, pour être qualifié de qanit, il ne suffit pas d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala un instant, un jour ou deux ou trois jours. Il faut être constant dans l'adoration et dans l'obéissance. C'est pour ça qu'il dit que on appelle ce qu'on appelle al-qunut, ou ce qu'on appelle quelqu'un qui est qanit dans la salat, le prieur, on l'appelle qanit quand il prolonge soit son sujoud, soit son ruku', soit sa position debout dans la récitation. On appelle ça qanit, al-mudawama, quelqu'un qui est constant dans l'adoration et dans l'obéissance. Il cite le verset où Allah dit, est-ce que celui qui est constant, c'est-à-dire tout au long de la nuit, en étant prosterné ou en étant debout, c'est-à-dire debout en récitation, et qui en craignant l'akhira, en pensant à l'akhira, et qui espère la miséricorde de son Seigneur. Donc là, on voit, il dit, Amman huwa qanitun ana al-layli, sajidan, ana al-layli, durant la nuit. C'est-à-dire, c'est le fait d'être en sujoud, en ruku', en qiyam durant la nuit, c'est-à-dire une longue période, pas un instant. Donc c'est l'idée de la persévérance et de la continuité dans l'adoration et dans l'obéissance. Ça c'est qanit. Donc ça c'est la deuxième sifat. Kana umma qanit. Ummatan qanitan. Hanifan, ensuite il dit hanifan ay munharifan عن الشرك إلى التوحيد مقبلا على الله تعالى معرضا عن كل ما سواه فالحنيف هو المستقيم وعند العربي ما كان على دين إبراهيم وانتصب حنيفا على الحال ولم على الحال نعم donc ça c'est la troisième صفات حنيفا حنيفا il dit c'est-à-dire منحرفا c'est celui qui s'écarte du shirk et qui va vers le tawhid. Donc ça c'est le sens de la hanifiya, hanif al-hanifiya, la religion du tawhid khalis, pur, le délaissement du shirk dans sa totalité, comme on le verra après, le petit et le grand, et le fait de se diriger vers le tawhid, islam al-wajh. L'ikhlas, le fait de se diriger complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et dit, فَالْحَنِيفُ وَالْمُسْتَقِيمُ, ça c'est une parole d'Ibn al-Qayyim, فَالْحَنِيفُ وَالْمُسْتَقِيمُ. Al-Hanif, c'est celui, al-Mustaqim aussi, c'est l'idée de la constance. Al-Istiqama, c'est le fait d'être constant dans l'obéissance et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rejoint un peu le qunut. Chez les Arabes, on appelait El-Hanif celui qui, on appelait El-Hanif celui qui s'attribuait à la religion d'Ibrahim. On sait que chez les Arabes, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que parmi les Arabes, il y en a certains qui s'attribuaient à la religion d'Ibrahim. À la religion d'Ibrahim, qui disait, celui qui s'attribue à cette religion-là, on l'appelait le Hanif. On avait des juifs, on avait des chrétiens, on avait des adorateurs de statues, et on avait ceux qui s'attribuaient à la religion d'Ibrahim. Bien que Quraysh, adorant les statues, s'attribue aussi à la religion d'Ibrahim. Mais à la base, le Hanif, c'est celui qui s'attribue à la religion d'Ibrahim. Là, à noter que quelque chose d'important, le fait que qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment, il ait interrompu l'envoi des messagers, c'est-à-dire avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ala fatratin min ar-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interrompu l'envoi des messagers avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune trace des législations et des rasa'il, des risala qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Ibrahim alayhi sallam, il y a encore des gens qui suivaient sa religion, qui étaient hanif, hunafa, sur le tawhid, et qui pratiquaient même certains rites, sha'a'ir, comme le hajj, comme d'autres choses, qui faisaient partie déjà de la religion d'Ibrahim alayhi sallam. Donc le fait qu'il n'y ait pas de prophète, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de risala. Qu'il n'y ait plus de risala, qu'il y ait une disparition totale de risala. L'un n'implique pas l'autre. Il peut très bien ne pas y avoir de prophète, mais que la risala qu'a transmis ce prophète-là soit encore, existe encore, qu'il y ait encore des traces. Par certains sebeb, par des savants qui connaissent cette religion-là, ou par des écrits, etc. Donc l'un, il n'implique pas l'autre. Ça, c'est la réponse des ulama qui répondent à ceux qui disent que il y a après l'avènement de Isa, etc., jusqu'au le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de prophète. Et que donc, il n'y avait aucune trace de la religion des prophètes, du tawhid. Et là, ils répondent non, l'un n'implique pas l'autre. La preuve en est, c'est qu'il y a des gens qui se disaient Hunafa et qui s'attribuaient à la religion d'Ibrahim et qui étaient sur le tawhid. Ici, il dit وانتصب حنيفا على الحال. Bon, là, c'est l'i'rab du mot حنيفا. حنيفا ici, حنيفا إلى حال. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ديك حنيف إلى حال. Et donc, il est منصوب. Et ensuite, là, dernière caractéristique par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il décrit Ibrahim alayhi salam et qui constitue une sifat, une caractéristique pour accomplir un tawhid complet, c'est walam yaku min al mushrikin, et il n'était point des associateurs. Donc là il dit faraqahum bil qalbi wal lisani wal badani. C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam, il a délaissé les mushrikines par le cœur, la langue et les membres. Par le cœur, par exemple, en ne les aimant pas, mais en les détestant. Ça, on sait que le fait de détester le mushrik pour son shirk, à cause du shirk, ça fait partie de la base de l'islam. Ou c'est un lazim, c'est une implication de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasoulah. Tu ne trouves pas un peuple qui croit en Allah, yu'minuna billahi wal yawm al-akhir, qui croit en Allah et au jour dernier, et qui prennent comme qui aiment et qui prennent comme alliés ceux qui ont contredit Allah et son messager. Or, il n'y a pas de contradiction et fait de contredire quelqu'un plus haut que le shirk. Quelqu'un qui commet le shirk akbar, il s'est mis à l'opposé de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son ordre. Donc, quand on dit la yu'minuna, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ici ce qui est visé concernant celui qui commet le shirk al-akbar, c'est le fait de ne pas l'aimer du tout, de le détester pour son shirk. Donc, le fait de le détester na'am, pour son shirk. Et ici, ce qui est visé, c'est le plus haut degré de l'barda, de l'adawa, dans le fait de détester quelqu'un, le plus haut degré. Contrairement à celui qui va détester un musulman parce qu'il a commis un péché. Il va détester le péché et détester ce musulman-là pour son péché, mais à la hauteur de son péché, pas à la base. Il va aimer ce musulman parce qu'il est musulman, parce qu'il est mouahid, parce qu'il adore Allah Azzawajal seul et parce qu'il ne commet pas le shirk akbar. Mais il va le détester à juste mesure du péché qu'il a fait, s'il s'en repent pas. C'est ça que ça veut dire. Wabillisan, le fait de délaisser les mushrikines par la langue, c'est-à-dire en ne les louant pas, en ne disant pas du bien d'eux, etc. Et par les membres ou le corps, c'est-à-dire en s'écartant d'eux, en n'étant pas avec eux, en ne vivant pas avec eux, mais en s'écartant physiquement et géographiquement d'eux, comme Ibrahim al-Salem, il l'a fait. Il dit, وَأَنْكَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ Donc ici, et qui rejette ce sur quoi sont les mouchrikines de shirk. Ils rejettent ce sur quoi ils sont. C'est-à-dire le shirk. Et là, le rejet, l'inkar, il est, on peut dire, de deux sortes. L'inkar al-qalbi ou l'inkar al-zahiri. Ce qui se passe dans le cœur. Le fait de rejeter le shirk, par le cœur, ça c'est quelque chose aussi, ça c'est la base de la mécroyance au Tarot. Donc quelqu'un qui ne rejette pas le shirk par le cœur, il ne peut jamais être musulman. Ça c'est la base du kufr bit Tarot, le fait de croire que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration et le fait de rejeter toute forme de shirk. Et l'inkar al-zahiri, le fait de réprimander les mushrikins et de rejeter à haute voix le shirk sur lequel ils sont, ça, c'est quelque chose, c'est un degré supplémentaire qui est au-dessus de la base de l'islam. وَمَذَاكْ إِلَّا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِهِ التَّوْحِيدِ C'est-à-dire, et il dit ceci uniquement afin de réaliser le tawhid complet. C'est-à-dire que rentre dans le tawhid complet le fait de détester les mushrikis, mais ça, c'est comme on l'a dit, c'est la base du tawhid, mais vient se rajouter là-dessus le fait de s'écarter complètement d'eux, par le cœur, la parole et par le corps, géographiquement, de ne pas vivre avec eux, de ne pas les louer, etc. Tout ce qui peut rentrer dans ce qu'on appelle al-muwalat al-sughra, c'est-à-dire le fait de la petite alliance avec les mushrikis. De s'écarter de tout ça. Ça rentre dans le tahqiq et le tawhid. Par contre, le fait de croire que le mushrik, il n'est pas musulman, et donc par conséquent de le détester, ça fait partie de la base de l'iman, ça fait partie de le kufr bit taghut, ça fait partie de lawazim de la ilaha illallah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Ma'ida, ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. Et s'ils avaient cru en Allah, son messager, et ce qui lui a été révélé, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Et on sait que la base dans le fait de prendre quelqu'un comme allié, c'est quoi? C'est l'amour. L'alliance, ça commence par l'amour. C'est parce qu'on aime quelqu'un par le cœur qu'on va aller le secourir, qu'on va aller l'aider par les membres. Donc quelqu'un qui à la base il aime l'indication de ce verset-là, c'est que le fait de prendre, ou le barda, le fait de détester le mushrikine, c'est un lazim, c'est une implication obligatoire de l'amour et de la croyance en Allah et en son messager et en ce qui lui a été révélé. On ne peut pas croire en Allah, en son messager et en ce qui lui a été révélé et aimer les mushrikines. C'est impossible. C'est un des délits. Et ici, il dit, نعم بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين mais il dit mais il a rajouté à ceci le désaveu des mushrikin. Or le désaveu al-bara'a min al-mushrikin, c'est ça la base. Ça c'est la base. Vient se rajouter là-dessus le fait de s'écarter d'eux totalement, dans toute chose. Ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de la base. Mais le fait de se désavouer le bara'a, ça fait partie de la base, comme il va l'expliquer après, il va détailler après. Dit wa'aba ma kanu alayhi wa kaffarahum. Mais il a blâmé ce sur quoi ils sont du shirk et il les a kafar. Il les a excommuniés. Il a pratiqué le takfir sur eux à haute voix. Alors, encore une fois, ici, bien faire la différence entre takfir, la croyance, l'i'tiqad, bi-takfir ou bi-kufr-nas, le fait de croire que quelqu'un qui commet le shirk, il n'est pas musulman, ça fait partie de la base de l'islam. Le fait de le faire à haute voix et de lui de lui déclarer en plein visage qu'il est kafir, c'est quelque chose qui fait partie de l'iman et le wajib. Et quelqu'un qui le délaisse alors qu'il est capable de le faire, qu'il est en mesure de le faire, il commet un péché. Mais ça ne le fait pas sortir de l'islam s'il croit qu'il est kafir. Il y a des gens, par différentes raisons, qui vont pas montrer le takfir. Et ici, il y a quand même une règle importante, c'est que les ulama, ils ont rentré ça dans les mêmes règles que l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. C'est-à-dire que le fait de pratiquer le takfir comme ça, à haute voix, c'est lié aux mêmes règles que suivent l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. C'est-à-dire il faut que ce takfir-là, il amène quelque chose. À la base, le takfir, c'est une maslaha déclarée. Déclarer au mushrik qu'il est kafir, c'est une maslaha. Le prophète Allah Jalla wa Ala, il dit kafirun. Il s'adresse, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux kuffars en les excommuniant. Donc il n'y a aucun doute qu'Allah il ordonne ça, c'est qu'il y a une maslaha. Maintenant, des fois, le mafsada que ça peut emmener, c'est-à-dire le mal que ça peut emmener, il peut être des fois supérieur. Et les ulama, ils rentrent ça dans ce qu'on appelle siyasat al-shar'iyya. C'est-à-dire que, par exemple, dans la da'wa, quand tu appelles quelqu'un à la base qui se prétend à l'islam, qui croit suivre l'islam, tu commences pas par le takfir. Parce que tu risques de le faire fuir et tu risques d'être taxé rapidement de khariji, de takfiri, et l'akhiri, il va même pas écouter ce que tu as à lui dire. Donc, ils rentrent ça dans ce qu'on appelle siyasat al-shar'iyya. Ou des fois aussi, on peut ne pas montrer le takfir clairement parce qu'on est dans une situation dont on est en danger. Dans une situation où si on montre le takfir, on risque des sanctions, soit physiques, soit etc. Donc selon, ça rentre dans les mêmes règles qu'on avait vues d'ailleurs dans le Wasitiya. Il faut que la maslaha de montrer le takfir clairement à haute voix, elle soit supérieure à la mafsada que ça peut emmener. S'il n'y a pas de mafsada ou que la mafsada elle est marjouha, elle est plus faible, on doit montrer le takfir. Ça fait partie de Millat Ibrahim et ça fait partie des obligations de la religion. Non. Donc ça rentre dans les règles dans les mêmes règles que ordonner le bien, interdire le mal. Euh, دي كم قال تعالى عن إنني براء مما تعبدون. دونك دون الفيرسي والله يدي إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Ibn Kathir, dans le tafsir de ce verset, il dit qu'il s'est désavoué de son père et des fausses divinités, de leur divinité. Mimma ta'aboudoun, yani min alladhi ta'aboudouna. Min alladhi, ma ici bima'na alladhi. Mausoul, ismul mausoul. Min alladhi ta'aboudoun. C'est-à-dire al-ma'aboudat, al-asnam. Donc il se désavoue de l'adorateur et de l'adoré. فيزي فتبرأ من العبيد قبل المعبود. Il se désavoue de l'adorateur avant de se désavouer de l'idole. Parce qu'après tout, l'idole, elle est idole. Pourquoi? Parce qu'elle est adorée par l'adorateur. C'est pas elle qui fait l'action, c'est l'adorateur. Elle devient idole parce que l'adorateur l'a adorée. Donc le désaveu de l'adorateur, il est, on va dire, entre guillemets, prioritaire. وضم إلى ذلك أن يعتزلهم فلم يكن منهم بأي اعتبار كان. Donc ça, on voit là il dit وضم إلى ذلك. Il rajoute sur ceci. C'est-à-dire que pour accomplir un tawhid complet, il s'écarte d'eux et il ne fait pas partie d'eux, quelle que soit de la manière dont dans aucune circonstance. Il est écarté d'eux dans tout. Par la langue, par le cœur, par les membres, par l'endroit où il vit, il s'est écarté d'eux dans toute chose. Comme Allah a dit, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Je m'écarte de vous, je m'isole de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Là encore, on voit que Ibrahim alayhi salam, il s'est écarté. D'abord, il cite le fait de s'écarter et de s'isoler des adorateurs, avant de parler de leur statut. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et là, pareil, dans le verset, فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Il a aussi cité d'abord l'ihtizal, le fait de s'isoler et de s'écarter des adorateurs. فَهَذَا هُوَ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ وَبِهِ تَظَهَرُ مُنَاسَبَةَ الْآيَا لِتَرْجَمَةِ. Donc ça, c'est la réalité de l'accomplissement du tawhid complet, parfait. Et par ceci, en comprenant cela, on comprend pourquoi le Shir Muhammad il a cité ce verset dans ce chapitre-là. Ces sifats-là, c'est les sifats de l'accomplissement du tawhid complet, comme Ibrahim alayhi salam, il l'a fait. حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. Il dit dans la mesure où il a décrit son ami intime Ibrahim par ces caractéristiques là qui représentent l'accomplissement du tawhid complet. وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به. Et nous avons été ordonnés de le suivre, de suivre la religion d'Ibrahim. Allah dit قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que nous avons un bon guide, uswatun hasanatun. Donc ça nous montre quoi? Que le uswa, il peut être hasana, il peut être aussi sayya. Le guide, il peut être bon ou mauvais. Ici, uswatun hasanatun, un bon guide. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en l'envoyé d'Allah un bon guide. Donc l'uswa, il peut être bon ou mauvais. فِي إِبْرَاهِمْ, en Ibrahim. وَالَّذِينَ مَعَا, ici bon, il y a un khilaf entre les mufassirouns. L'imam al-Tabari, rahimahullah, il dit que le plus juste, c'est وَالَّذِينَ مَعَا, c'est-à-dire les autres messagers, qui sont tous venus avec ce message. C'est pour ça que le Cheikh Mohammed, rahimahullah, il explique le coffre bit-Tarout par ce verset-là. Il explique le coffre bit-Tarout, c'est quelque chose qui est mujmal. Allah dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّارُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّارُوتِ celui qui mécroit au Tarout. C'est mujmal, ça c'est quelque chose de général. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجِتَانِبُوا الطَّارُوتِ. Tout ça c'est mujmal, c'est général. Mais quels sont les détails de cette généralité? C'est ce qui est expliqué, détaillé dans ce verset-là. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ lorsqu'ils ont dit à leur peuple. Donc là, on voit qu'ils leur ont dit quoi? De manière à haute voix. Ce n'était pas simplement une aqida comme on l'a vu avant. Ce n'est pas simplement une aqida, ils l'ont prononcé à haute voix. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez. Mimma ta'budun yani min alladhi ta'budun. Donc nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc on voit que là, Ibrahim alayhi salam, il a commencé dans ce verset-là aussi par le désaveu des adorateurs, avant de se désavouer del ma'boudat, des divinités. Min dounillah. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que Ibrahim il cite el-bara'a. El-bara'a, des adorateurs et des divinités. Et ensuite, il va citer trois choses. Il va citer trois choses. En fait, il y a des ulémas qui expliquent ici que quand il dit kafarna bikum, wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghda. Donc, c'est trois choses. Et takfir. Kafarna bikum. Bon, ici, il y en a qui viennent en disant, ouais, il a dit kafarna bikum, il n'a pas dit kafarnakum. Ou akfarnakum. Il a dit kafarna bikum. Il n'a pas dit kafarnakum. Ce n'est pas le takfir. Le kufr bishay, laïsa ket takfiri. Ils disent comme ça. Ils disent le fait de mécroire à quelque chose, ce n'est pas comme le fait de l'excommunier. Or, ici, admettons qu'on accepte leur. Ils disent que dans les tafsirs de l'ulama, on ne trouve pas le sens du takfir. Or, ce qui n'est pas tout à fait juste. Si on prend si vous prenez le tafsir de l'imam al-Tabari, l'imam al-Tabari dit que ça montre qu'il le rejette. En gros, il dit que Ibrahim rejette le coffre sur lequel son peuple est. Le rejet du coffre sur lequel son peuple il est. Et son peuple il est sur le coffre. Donc c'est bien le takfir. Il rejette le coffre, certes. Mais il rejette aussi il attribue son peuple au coffre. Donc c'est ça le sens du takfir. Quand on dit takfir taf'il, yani nisbat shay, il a takfir. Quand on dit takfir en langue arabe, takfir nisbat shakhs, il a le coffre. Le fait d'attribuer quelqu'un à la mécréance. C'est ça le sens du takfir dans la langue arabe. Donc si on comprend la parole de l'imam al-Tabari, ça veut dire ça. Mais même admettons que, ok, on ne trouve pas ça dans le tafsir. Il y a une règle dans le tafsir du Coran, c'est que si le sens qu'on donne au mot dans la langue arabe ne contredit pas la parole des salaf et ne contredit pas le contexte du verset, on a le droit d'expliquer le terme par la langue arabe. Donc il faut que le terme soit juste en langue arabe, que le terme ne contredise pas la parole des salaf, que le terme soit convenable par rapport au contexte du verset, et que aussi que ce mot-là n'est pas, comme on l'a dit avant, une haqiqa shar'iyya. S'il a un sens bien précis, ce mot-là, dans la sharia, on n'a pas le droit de lui donner son sens dans la langue arabe s'il contredit le sens dans la sharia. C'est comme quelqu'un, il vient et dit Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimu salat wa atu zaka. Wa aqimu salat. Salat, moi je viens, je dis ouais, salat dans la langue arabe, c'est dua. Donc je fais une dua, oh Allah, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est bon, j'ai accompli la salat. Non, parce que la salat, elle a une haqiqa shar'iyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué, il nous a montré qu'est-ce que ça veut dire la salat dans la sharia. Donc on n'a pas le droit d'utiliser le mot dans la langue arabe et de laisser et le faire devancer sur son sens dans la sharia. Mais si le mot, il n'a pas de sens, un sens spécifique dans la sharia, dans la charia, on doit revenir à son sens dans la langue arabe. C'est un Coran en langue arabe. Que ce mot-là ne contredit pas le tafsir des salaf. Que ce mot il soit convenable par rapport au contexte et qu'il soit juste dans la langue arabe, on a le droit de l'expliquer comme ça. Or, n'importe quel débutant dans la langue arabe, en grammaire, il sait que kafara bi et akfara ou kafara, ça a exactement le même sens. On peut utiliser le ba pour en faire un verbe mutaaddi. On se rappelle fi'l mutaaddi ou fi'l lazim. Qu'on dise kafara bi ou kafara ou akfara, ça a le même sens. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il utilise des verbes comme ça. Par exemple, on a le verbe zahaba, aller. Si on veut dire faire aller ou faire partir, on va dire azahaba. Mais on peut dire aussi zahaba bi. Walau sha'a Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Walau sha'a Allahu ذهب بسمعهم وأبصارهم بمعنى لأذهب سمعهم وأبصارهم. On transfère le ici ذهب بي, il a le même sens que أذهب. Donc il a un sens متعدي. Donc on a le droit de rajouter le ب pour donner le sens de المتعدي على المفعولية. Donc ce qui est après, ça devient مفعول به. Donc, kafara bi ou kafara, ça a le même sens dans la langue arabe. Donc, on peut répondre comme ça à ceux qui disent ça. Donc, ici, le sens, et d'une autre manière, c'est comme ça que les ulémas, ils ont compris. Si on prend les textes des ulémas de Da'wan Najdiya, ils expliquent ça comme ça. Kafarna bikum, c'est le takfir. Kafarna bikum, wa bada baynana wa baynakum al-adawa wa al-bada. Là, ici, trois choses. Le takfir. Ensuite, وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى. الْعَدَاوَةُ l'inimitié, وَالْبَغْضَى et la haine. Non, donc ici c'est le bara'a. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que donc ici إِنَّ بُرَاءَ وَمِنْكُمْ سِتَ الْبَرَاءَ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Donc le désaveu des adorateurs et des ma'boudat, des fausses divinités. Et ensuite, ici, si on regarde bien, il dit pas wa kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghda. Il dit inna bura'a minkum kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum. Pas wa kafarna bikum, kafarna bikum. Certains ulama disent ici ce qui est voulu, c'est ce qu'on appelle badal al-ishtimal. Badal al-ishtimal, c'est-à-dire que kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adu wal-baghda, c'est l'explication de l'bara'a. Inna bura'a minkum, ça comprend, c'est pour ça qu'ils appellent ça badal al-ishtimal. Yashtamil. Yashtamil mada. Yashtamil. كفرنا بكم التكفير يشتمل العداوة ويشتمل البغضة. Trois choses. Donc le bara'a, quand on dit le désaveu, c'est quelque chose qui est plus large que le takfir, que simplement le fait de croire que quelqu'un il est kafir. Mais ça englobe aussi le fait de le détester et de le prendre comme ennemi. D'ailleurs, si on voit le fait de détester, qu'est-ce qui fait qu'on va détester cette personne-là, ce mouchrik-là, c'est son shirk. C'est pour ça qu'en fait, la base, c'est quoi? C'est le tekfir. Ceux qui disent kafarna bikum en premier. On a le tekfir en premier. Et c'est parce qu'il est kafir qu'on le déteste et qu'il devient notre ennemi. Et dans cet ordre-là. Et donc ça représente el-bara'a. Donc el-bara'a, el désaveu, ça représente, ça englobe le tekfir. Al-barda, le fait de détester, ou al-adawa, l'inimitié, ça englobe les trois choses. Et donc là, encore une fois, la base, c'est le fait de croire que la personne qui commet le shirk ou un annulant globalement de l'islam, elle est mécréante. Le fait de le déclarer, c'est un autre sujet. Même s'il n'y a aucun doute que le fait de déclarer, ça fait partie de Millat Ibrahim et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre Millat Ibrahim. Donc là-bas, c'est que le fait de le déclarer, ça fait partie de l'wajibat. Mais comme on l'a dit avant, selon les cas, il peut être préférable de le cacher ou de le laisser. Comme on a après à voir en détail selon les cas. وقال المصنف إن إبراهيم كان أمة أي صار شيخ دون المسائل دو كتاب التوحيد دي لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة سالكين استديكم فائدة دا إن إبراهيم كان أمة ça, c'est si on reprend le sens que certains ulama ont cité. Donc, Ibrahim alayhi salam, il était à lui seul une umma. Mais c'est-à-dire que, Allahu alam simsam, c'est une parole de Mujahid qui dit que c'est le sens qu'Ibrahim alayhi salam, il était seul à ce moment-là, au début de la da'wa, il était seul sur le tawhid. Seul muwahid, lui et sa femme, Sarah. Sa première femme. Ils étaient seuls sur le tawhid. Et donc, il était une umma à lui tout seul, dans ce sens-là. Et dit, on tire de là que il ne convient pas à celui qui suit la voie du haqq d'être, comment dire, d'être gêné ou de trouver ça mal d'être seul sur le haqq. Dire au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que la majorité des gens ne connaissent pas le tawhid, et le fait que les gens, la majorité des gens ne soient pas sur le tawhid, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur ou nous horrifier, ou qui doit nous sentir, du fait qu'on doit se sentir étranger, on se sent étranger évidemment, mais c'est pas quelque chose qui doit repousser la personne du haqq. Dire je suis tout seul, il y a peu de monde ou qu'il y a peu de monde qui connaît le tawhid, et donc que c'est je suis sur le mauvais chemin. Non, c'est l'inverse. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, comme on le verra dans ce hadith-là, où il y a des messagers qui vont se présenter le jour du jugement, où chaque messager le jour du jugement va se présenter avec sa communauté, qu'il y a des messagers qui vont se présenter seuls. C'est-à-dire, ils ont été envoyés à leur peuple, personne ne les a suivis. Ou un autre qui viendra avec un homme ou deux qui le suivent. Donc ça montre que le nombre de personnes, ce n'est pas un délil. Est-ce qu'un manhaj il est juste ou il n'est pas juste? Ce qui montre ça, c'est quoi? C'est le suivi du délil. Le Coran et la Sunna. وقانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين قانتا لله ici il montre il y a un signe sur l'ikhlas donc sur le fait d'être constant dans l'obéissance et dans l'adoration et dans le suivi de l'islam et pas être le pas être dans le suivi ou proche des dirigeants ou des gens riches. Comme il le dit après, Hanifan la yamil yaminan wa la shimalan ka fi'l al ulama al maftunin, c'est-à-dire être droit dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'agir en fonction de sa religion et pas par complaisance avec les dirigeants, les hukam ou avec les notables, etc. Donc ici, il y a l'ikhlas, ou pour sauver son poste, comme c'est quelque chose qui a existé de tout temps, mais qui aujourd'hui est peut-être encore plus visible qu'à d'autres époques. On appelle les savants, les ulama salatin, les savants des moulouks, des rois, des sultans. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ خِلَافًا لِمَنْ كَثَّرَ سَوَدَهُمْ وَزَعَمَ أَنَّهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et donc, il n'était pas du nombre des associateurs, il dit, contrairement à ceux qui vont grossir leur rang. C'est-à-dire en vivant, en étant avec eux. C'est-à-dire que même si eux-mêmes ne commettent pas le shirk, le fait de rester avec eux, ils grossissent leur rang. Si bien que quelqu'un qui est au milieu des mouchriquines, et qu'on ne connaît pas, oui, on juge selon son apparence et on va le juger selon la religion du peuple avec lequel il vit et avec lequel il se regroupe. Si bien que s'il y a un groupe de musulmans qui attaque ces gens-là, ils ne feront pas la différence entre lui, même s'il est musulman dans la réalité, ils ne feront pas la différence entre lui et d'autres dans le combat et tout le cas. Voilà pour ce verset-là. On va arrêter là pour aujourd'hui. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.